la solitude. Nous aimons tous la solitude. Mon discours, ou bien en plus que t'y cours. Écoute, je te parle de la solitude, un sentiment, celui qui touche n'importe qui, n'importe quand. Constat de souvenir à part alarmant. Le mic à la main, par lui, je me fais mettre à l'amende. Oh la main, je réclame un moment de silence. Je l'ai écrit pour tous ces gens fermés, abandonnés, ces mères au foyer. Je rends hommage à la mienne, car tant d'arons qui rentrent, taille, l'arrivée épuisée. Ce SDF sur ce banc, cet immigré qui débarque du sol en se frant. Mes mères, ce môme qui n'a plus ses parents. Une souffrance intérieure, la terreur s'installe et ronge tout comme une tumeur. Rumeur ou handicap qui vous détruisent, des cris, je décris ce récit agressé, un mal-être. Ou un malaise qui sévit, supplice quand les mentalités empirent, forcément la peur augmente. J'ai dit tout ça aux gens qui se sentent seuls, cette vie est folle. Certains faits font qu'on s'isole, rigole, à descendre aux enfers commence. Dépression, impression, action sont deux romances. Une danse avec le diable ou la couleur. Religion, c'est de se taille, importe peu. Quelques piges en plus, remplis pas malheureux. Autour de toi, un sentiment de solitude, remarque-le. Au plus bas, avec ou sans drogue, c'est pas plus beau. Est-ce qu'à Adiller, y'a trop de temps dans les lavabos. Contre soirée, c'est chacun son combat. Thérapie du beat pour moi, street thérapie pour d'autres. Faut garder la tête haute, les esprits clairs. Sourire aux autres avec classe, avec courage. L'envie du dialogue et du partage. L'envie du dialogue, c'est ça.